chez moi, sans plus la veuve, t'es en taille à deux. Avec Sam t'es mort, tu me prends la tête, tu me rends malade. On fait les choses, t'inquiète, ça arrive. L'arche enfermé dans ma tête, pété sans arrêt. Même si j'ai pété le platine, j'ai du mal à vivre. Encore l'impression d'être à l'arrêt. Je m'appelle la Wallah, là je suis dépassé par les faits. T'inquiète, je vais pas chez là. Je serai toujours là, même si je me fais trahir par des vrais. Le mental est là. La vida loca, la pure, la coca, les putes, la totale. La taille, les pommades, tu prends du bon temps avant qu'il soit trop tard. Là je souris, souris, marcher, je veux faire courir, mais je suis énervé, énervé. On est berger, les gars faut se réserver. Ils sont bourrés, bourrés, finir comme eux, je veux faire mourir. Crayon est cerné, nerveux, là je suis morfait. On vient, on casse ta baraque, tu sais que nous on est parés. Arrête de faire le malade, au cinéma faut que t'arrêtes. Je suis pas là pour le balance, remplir la mallette. Là je suis malade, tu perds un malaise. J'en ai marre, les gars, faut qu'on parle. Je me suis jamais pris pour un autre, les frères. C'est la base. C'est plus dans l'éponge, ça tèche à l'ombre. Enchaîne les pompes, les vrais sont là. Tu perds dans les comptes, belle aide, tu tombes. La vie ou la tombe, sous la cagoule, c'est moi. Trop de problèmes dans ma tête, je sais plus qui sont mes refrains. Comme d'hab, moi j'ai trop la dalle. Si c'est à faire, on met les gants et on le refait. J'écris mon texte dans la barre. Là je souris, souris, marcher. Je préfère courir, mais je suis énervé, énervé. On est berger, les gars faut se préserver.